peigné. Mungenzo mais, Mungenzo m'a peigné. Vous donnez Emma. Vous donnez Emma Pensoni. Comme elle est ma. Comme elle est ma, ma bien mouée. Vous donnez Emma. Et ma pensoni, comme elle est ma, comme elle est ma, ma bien mouée. Comme elle est maman bien mouée.